samedi soir. Il est 21h10 et vous êtes sur Duo. Et ce soir, on va encore un peu plus danser. Disco allemande des Super Senft en 1980 avec ce fameux Icy Stars, eh bien on file vers les étoiles de l'amapiano. Il y a une enjambée que nous franchissons allègrement. Et pour cela, on fait un détour à Leeds, en Angleterre, avec le collectif Nubian Twist. Ça ne fait pas de mystère. Dance me, I feel real nice. Double tech, make you look for me twice. Then I won't come down on your level. When the lights turn on, I'm a rebel. Cardi B just a bustin' on me head. Can't hear nothing when you say. Then I won't go home on my bed. Ha, I just saw me stay. Just saw me stay. Just saw me stay. Just saw me stay. Ask me what you're feeling. All up on me like you're screaming. You are creeping. Tech set on the dance floor. Yeah, me know where me I go. When the rum lick, licking at me hip, make your mind trip. bragging or boasting. Ha, when the rum leg, looking at me hip, make your mind trip. Tripping as you dip, now you're floating. More vibes, more life, yeah, we're toasting. As me walking, you're feeling. All up on me like me screaming, you are creeping. Text head on the dance floor, wine slow. Drop it low, yeah, me know where me I go. Dance me, I feel real nice. Double tech, make you look on me twice. La nuit des temps, Radio Duo. Ferdinand Maréchal Papillon fait partie de celles et ceux qui ont importé les rythmes de Douala et Yaoundé à Paris, puis dans les clubs en France. C'est la longue histoire du Makossa depuis le Cameroun. Makossa, ça veut dire tomber dans la danse. Et les radios pirates, à la fin des années 70, eh bien elles n'étaient pas en reste pour diffuser ce son et faire danser dans toute la France. C'est le Molongo de Maréchal Papillon. Draw down from the well where it gathers. The illusion is heavy, and it takes a maverick to stand knee deep and keep pouring. Life force in a formless void. Sitting in the waiting room, all I can see is a room full of fallen leaves dreaming of the tree. Saying, I don't want to give you everything given to me. So let's you and I do this till we die. And love each other, as if every line was a ladder we could climb through time. I ran back to the child I was, and I saw a stranger in a jacket that he wore, and it hurt me to remember the shrinking of fully formed person to slim definition. But when the dark feels like it won't ever lift, that's when the sky grows pale and the morning lives. So we just take it day by day, 'cause staying doesn't mean you never want to run away. It means if ever you open your eyes, I will be there. Yeah. They used to tell their children not to stare. And now I'm picking up the slack, but my hands are slipping. So I stand on the line that goes back to the breath before speaking. All I'm saying is, I'm just trying to be someone the child I used to be could believe in. En jouant dans un pub irlandais à Boston, le Cambridge. Et puis le duo a mixé dans les plus grands festivals et leur soin ce truc assez génial de garder un fond super populaire. Un truc qui accroche l'oreille comme un vieux sparadrap, celui du capitaine Haddock. Leur reprise ici des Corgis en est la parfaite illustration. Le chef-d'œuvre et drama Need Your Loving passe à la moulinette. La nuit des temps, l'international de la danse. Life is the rhythm of life, a number that speaks of balance like the pillars holding the sky and the roots deep in the earth. 5 albums. A colossus of sound and spirit, a phoenix reborn, and as a shepherd once faced a giant with just a sling and a stone, he too meets his Goliath with a melody all his own. 5 siblings, his father's embrace molds the future with boundless love, and every heartbeat is a promise, every sibling of his a masterpiece. 5 is freedom, unbound by borders, rising by lifting others. The artist, the father, the man walking two worlds. We spend our lives building bridges only to realize we were meant to soar. Here in this moment, legacy is not just what you leave behind, but what you breathe into the future. And as the giant fell before the might of one, so does David rise. This is the legacy of 5, and he is active. That is. Nous sommes en 1969 et Herbie Hancock sort d'une période ultra expérimentale avec Miles Davis. Bill Cosby, dont on connaît maintenant la face sombre, eh bien lui commande alors une musique pour son show TV Fat Albert and the Cosby Show. Herbie s'exécute et opère alors un virage à 180 degrés. Un peu dingue, un son ultra léger avec des riffs accrocheurs et une basse ultra cool. Ce virage portera un nom et créera rien de moins qu'un genre musical, le jazz funk. Thank you. C'est un lieu sacré, les bims. C'est un lieu sacré où les gens se rencontrent pour apprendre des choses. Dans les bims, ça veut dire dans le cercle de la famille, mais c'est aussi le lieu de pratique. Thank you. suave. Rico. É uma música alegre, é uma música positiva, é uma música que leva você pro mar, pra praia, pra namorar, pra se casar, pra se d'œuvre de Dominique Dalcan, Rio de Janeiro. Nous sommes en 1998. après Rio. L'espace. L'espace en 1981. Pour regarder les étoiles avec Atmosphère. Et quand on regarde le ciel de Saint-Étienne, on voit les étoiles. Et il y a trois étoiles qui vont briller juste après 22h sur l'antenne de Duo. Une étoile qui s'appelle la Rage. Une autre étoile qui s'appelle la Joie. Et encore une étoile qui s'appelle Courage. Et dans l'ordre, ça donne Joie, Rage et Courage. Mais avant de refermer les portes de notre bon vieux club et de prendre l'air frais des montagnes, on rembobine le film. Nous avons reçu ce soir sur notre dance floor la Risco Connection, soit Joe Isaacs, célèbre batteur jamaïcain qui avait pour singularité d'aller vite, toujours très très vite. Les Allemands de Super Senft, qui aussi regardent les étoiles. Lama Piano des Nubian Twist. Ou le Makossa du Maréchal Papillon. On a également dansé sur des mots, ceux de Kay Tempest. Les mix de Soul Clap. La passion de Davido. Et la recette géniale du jazz funk par Herbie Hancock en 1969. On a également croisé la voix merveilleuse de Yahamé, l'amour de Gidela et Rico, le beau Rico, à la fois suave et bossa nova, selon les sons de JD. Et puis, on a quasiment terminé notre voyage en passant un dimanche à Rio de Janeiro en compagnie de Dominique Dalcan. Ça, c'est précieux, Dominique Dalcan. Dans quelques instants, un bonus avec Le Jour Parfait de Bobby Cole. Dans l'ordre que vous voulez, la joie, le courage et la rage. C'était la nuit des temps. Les bonnes ondes de Joe. Dans le ciel de Saint-Étienne. Buena noté. Salut. A perfect day, the morning was meek. I, on this perfect day, am equally weak. The sky looks gray, the clouds are mean, a darker day I've never seen, no lie. We parted yesterday. My manner was cold, but now I find today I'm not quite as bold. Ironically, your photograph just stares at me. It doesn't laugh or cry. this afternoon turns into endless night without any moon. A night designed for those resigned, oppressive as an old cathedral tomb. Oppressive as an old cathedral tomb.